Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la tragédie démocratique? Comment se jouerait-elle dans l'opposition entre le sceptique qui a renoncé à toute vérité absolue? Et le mot vrai? Le mot vrai a-t-il au fond une signification profonde? Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, questionne en philosophe et en logicienne, dans sa série « Connaissance, vérité et démocratie », les relations que ces trois concepts complexes peuvent ou non tisser à l'heure des approches sceptiques, relativistes, dans un contexte de crise de la notion de démocratie et au moment où toutes les disciplines sont bousculées et obligées de réfléchir aux défis lancés par ce qu'on appelle les faits alternatifs, la post-vérité. Dans son premier cours, Claudine Tiercelin, normalienne, passée par Berkeley, qui tisse des ponts stimulants entre la rationalité à la française et la philosophie analytique anglo-saxonne, entre l'Europe et l'Amérique, a analysé la tension, et je la cite, « entre notre besoin farouche de véracité et les doutes qui pèsent, dans le même temps, sur notre idéal de vérité, mais aussi à considérer qu'elle a sa place en démocratie et plus encore que la démocratie a d'autant plus de force qu'elle laisse à la vérité comme à la justice et à la raison tout leur rôle. » Aujourd'hui, Claudine Tiercelin nous propose, et je la cite encore dans sa présentation au Collège de France, d'analyser comment les réticences à l'égard de la vérité en général et en politique en particulier proviennent de malentendus et de confusions sur son concept. On associe, nous dit-elle encore, vérité à dogmatisme, absolutisme métaphysico-théologique et infaillibilisme. On confond ce qui est vrai avec ce que l'on tient pour vrai, et on assimile à tort vérité à correspondance, cohérence, utilité ou vérification. Dans cette première partie, et dans la deuxième que nous vous proposerons demain, le chemin peut paraître âpre, mais la rigoureuse méthode d'analyse scientifique que propose Claudine Tiercelin doit pouvoir être en mesure de lever les différents écueils et objections qui entourent sa grande enquête autour de la décriée notion de vérité. Comme toujours, les extraits des auteurs et des analyses philosophiques sont soigneusement choisis et cités, et nous allons discuter ce matin en particulier avec l'approche du dilemme de la tragédie démocratique par Hans Kelsen et l'exploration du vrai par Gottlob Frege. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin « Connaissance, vérité, démocratie » aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité. L'idéal serait toujours d'avoir une opinion vraie et d'en être certain, mais ceci est un idéal qui sied mieux à Dieu qu'à l'homme, nous rappelait en 1926 le philosophe Frank Ramsey dans « Vérité et probabilité », qui devait ensuite poser les bases de ce qu'il allait appeler une logique humaine de la vérité. Et comment oublier que Ponce Pilate demanda « qu'est-ce que la vérité ?» et qu'il se lava les mains. Bien souvent, nous aussi, Posons cette question sur un ton désabusé, rappelait Pascal Engel en introduction de son livre de 1998, « La vérité, réflexion sur quelques truismes ». En laissant entendre, ajoutait-il, qu'elle n'a pas de réponse, ou que s'il y en a une, elle est si complexe, si vaste et si profonde, que cela n'a pas de sens de la rechercher, et qu'il vaut mieux la laisser aux philosophes. Mais ces derniers aussi semblent s'en laver les mains. On n'y croit plus et on ne sait pas ce que c'est. Qui oserait aujourd'hui, sinon quelques fondateurs de sectes religieuses, intituler un ouvrage « La recherche de la vérité » Quel savant même accepterait de dire, sans toutes sortes de précautions, que la science énonce le vrai? Si Zola écrivait aujourd'hui « La vérité est en marche », ne rencontrerait-il pas seulement des ricanements? La philosophie n'a-t-elle pas enterré depuis longtemps toute tentative de définition de cette notion éculée? Mieux vaut apparemment s'en remettre à une forme de relativisme. Ne savons-nous pas qu'il y a une pluralité de discours, tous vrais à leur manière, mais qu'il n'y a pas de vérité unique vers laquelle ils pourraient converger? Que la prétention d'un discours à incarner la vérité n'est précisément qu'une prétention qui signale plutôt chez ceux qui l'affichent une volonté de savoir et de vérité, dissimulant en réalité des volontés de pouvoir et de domination. Si on accepte encore de considérer que la notion même de vérité puisse être l'objet d'une enquête critique, ce n'est plus pour en proposer une analyse, et encore moins pour la fonder sur des principes épistémologiques ou métaphysiques, mais pour étudier les effets que l'emploi de cette notion par ceux qui la revendiquent peuvent en tirer. Effets de savoir, qui sont aussi des effets de pouvoir, et qui sont, comme le disent ceux qui entendent renouer avec la sophistique, des effets rhétoriques. En sorte que tout ce qu'il nous resterait à faire, c'est l'étude patiente, minutieuse, des manières dont certains individus et certains groupes deviennent, à des époques données, des maîtres de vérité. Il n'y a pas, nous dit-on, de mode de validation universel et objectif du vrai. Il n'y a que des régimes de véridiction variés, dans des contextes donnés, à travers lesquels diverses autorités s'approprient le droit de dire le vrai et promeuvent par certains récits leurs prétentions. Tout discours qui contesterait au nom d'une meilleure forme de validation la prétention d'un autre ne serait lui-même encore qu'un autre récit, tout aussi valable, mais tout aussi arbitraire. Fin de citation. Sans doute n'est-ce pas un hasard si c'est à l'adoption de cette perspective relativiste que nous invite Hans Kelsen à la fin de son livre de 1929 sur la démocratie, sa nature, sa valeur, ainsi que le rappelle Charles Girard dans son bel article « La règle de majorité en démocratie, équité ou vérité ». Et, pas hasard non plus, si la réflexion de Kelsen s'achève, elle aussi, sur les lignes de l'Évangile selon saint Jean, citées en exergue, qui narre la confrontation entre Jésus et Pilate. Le juriste, pour qui, je cite, « la défense de la démocratie exige que l'on renonce à départager les opinions en conflit du point de vue de leur vérité », voit dans cette scène le symbole de la tragédie démocratique. Pilate, parce que romain, représente une civilisation devenue sceptique, doutant de toute vérité et habituée à penser démocratiquement. Lorsque Jésus, accusé de se donner pour le roi des Juifs, lui est présenté, il renonce à chercher la vérité et à juger par lui-même. Alors même qu'il ne voit pas de motif de condamnation, Il abandonne la décision à la foule en provoquant un plébiscite. Jésus, de son côté, parce qu'entièrement certain d'être le Fils de Dieu, revendique une autorité sur les Juifs en se disant leur roi, autorité qui ne dérive en rien du consentement de ceux qui réclament sa mort, mais de ce que sa voix est celle de la vérité. Comme le note Charles Girard, je cite, « Le croyant pourra voir dans cette scène, s'il accepte la caractérisation qu'en offre Kelsen, le meilleur des arguments contre la démocratie. Elle sacrifie la vérité, car elle ne lui reconnaît aucune autorité particulière, préférant confier le pouvoir de décider au plus grand nombre. Mais cette objection ne porte que si l'on peut savoir avec certitude qui dit le vrai. Refuser la démocratie parce qu'elle menacerait la vérité, la rejeter éventuellement par la violence, suppose, souligne Kelsen, que l'on soit aussi sûr de ce qu'est la vérité politique que pourrait l'être le Fils de Dieu. La tragédie démocratique se jouerait ainsi dans l'opposition entre deux figures. Le sceptique, qui a renoncé à toute vérité absolue et peut donc prôner la valeur égale des opinions, et le fanatique, qui, à l'inverse, a la certitude de détenir la vérité absolue et peut donc refuser toute valeur aux autres opinions que la sienne. Seul le sceptique pourrait être démocrate, c'est-à-dire reconnaître l'opinion, l'autorité, pardon, des décisions majoritaires, mais il lui faudrait pour cela renoncer à toute vérité certaine. En effet, dit Kelsen, je cite, « la cause de la démocratie apparaîtra désespérée si l'on part de l'idée que l'homme peut accéder à des vérités et saisir des valeurs absolues. » Fin de citation. Si l'on admet, poursuit Girard, que de telles vérités et valeurs sont accessibles, ainsi que raisonne Kelsen, on ne saurait éviter de confier l'autorité politique à ceux qui sont le mieux à même de les atteindre. Si certains savent ce qui est vrai et bon, comment leur refuser en effet le droit de prendre les décisions politiques qui s'imposeront à tous ? Or, il apparaît pour le moins improbable que la majorité soit la plus compétente en la matière. Dès lors que l'homme est supposé pouvoir connaître des vérités et appréhender des valeurs absolues, il suffit en réalité de douter que la connaissance du vrai et du bien ne soit accessible qu'au peuple, à la majorité, pour remettre en cause le fondement de la démocratie. C'est pourquoi il y a une connexion directe entre la conception, dit Kelsen, métaphysico-absolutiste du monde, selon laquelle on peut décider de façon certaine de ce qui est bien et mal, et l'absolutisme ou l'autoritarisme politique qui reconnaissent l'autorité absolue de celui ou de ceux supposés détenir la vérité absolue. À l'inverse, l'idée démocratique, je cite Kelsen, suppose une philosophie relativiste, c'est-à-dire un scepticisme politique. Seul le scepticisme, qui nie toute certitude à propos de vérité politique, permettrait d'abandonner à la majorité des citoyens ou de leurs représentants le pouvoir de décider. La défense kelsenienne de la règle de majorité ne prend donc sens, on le voit, comme y insiste Charles Girard, que dans cette perspective. La seule justification raisonnable de la règle majoritaire, qui constitue à ses yeux tout au plus une approximation de l'idéal premier, de la démocratie tiendrait à ce qu'elle maximise le nombre d'individus dont la décision collective préserve la liberté tant qu'ils ne changent pas d'avis, du moins. Même si tous les individus ne peuvent pas être libres, c'est-à-dire être gouvernés par des lois conformes à leur volonté individuelle, le plus grand nombre possible d'entre eux doivent être libres. Il faut donc un ordre social qui ne soit en contradiction qu'avec la volonté du plus petit nombre possible d'entre eux. Or, seule la règle de majorité absolue, plutôt que relative, et simple, plutôt que qualifiée, assure que les volontés individuelles en accord avec la décision prise soient plus nombreuses que les autres, qui se trouvent en conséquence contraintes. Le raisonnement de Kelsen suppose que la valeur politique égale des opinions a été posée. C'est seulement si le contenu des volontés n'est pas pertinent pour les départager qu'il devient possible de le faire selon un principe simplement arithmétique. L'agrégation opérée par le vote majoritaire compte les opinions exprimées, mais ne les pèse pas. Elle ne leur reconnaît qu'une valeur numérique. La position sceptique, qui soutient notamment cette défense de la règle de majorité, n'est toutefois guère satisfaisante, commente fort justement Charles Girard, car, je cite, « si elle rend possible la démocratie, elle ne peut pas véritablement la justifier. » L'adoption d'une philosophie relativiste interdit en effet de justifier les procédures et dispositifs caractéristiques de ce régime, à commencer par la règle de majorité elle-même. Si toutes les opinions se valent du point de vue de la vérité, il devient certes possible de les soumettre à la règle majoritaire afin de minimiser le nombre des volontés en contradiction avec la décision politique. De même qu'il est possible de les laisser toutes se faire entendre grâce au régime juridique de la liberté d'expression ou encore de les protéger contre les abus de la volonté majoritaire via des droits individuels tels le droit à la liberté de conscience. Tout cela, le sceptique peut l'admettre, mais il ne peut pas le justifier face à l'adversaire de la démocratie, car il ne peut pas lui expliquer pourquoi il faut qu'il en soit ainsi. Il lui faudrait pour cela faire appel à des valeurs telles l'équité, la liberté ou l'égalité, à propos desquelles, par hypothèse, les certitudes font défaut. Le raisonnement kelsénien en faveur de la règle majoritaire, par exemple, repose sur un principe de maximisation du nombre des volontés libres et donc sur une vision particulière de la valeur de la liberté qui est simplement posée. Même celui qui affirmerait qu'une procédure doit être choisie pour elle-même en refusant de justifier ce choix par l'appel à une valeur ne pourrait l'éviter puisqu'il érigerait par là même la procédure elle-même en valeur. On le comprend sans peine. Je cite, « La faiblesse de la position sceptique tient à ce qu'elle n'attribue par définition qu'une validité relative au jugement de valeur. Des jugements de valeur opposés ne sont exclus ni logiquement ni moralement, dit Kelsen. Ce postulat permet donc de protéger les opinions minoritaires ou encore de gouverner par des compromis entre l'opinion majoritaire et les opinions minoritaires, car la valeur de l'une ne saurait être invoquée pour invalider les autres. Mais il prive en même temps de tout fondement le choix de ces protections et de ce mode de gouvernement, et plus largement le choix de la démocratie elle-même, qui est condamnée à rester ultimement arbitraire. Pour le sceptique, je cite, « les jugements de valeur en général et en particulier le jugement selon lequel la démocratie est une bonne, voire la meilleure forme de gouvernement, ne peuvent être prouvés par le moyen d'une connaissance scientifique rationnelle qui soit absolue, c'est-à-dire excluant la possibilité d'un jugement de valeur contraire. Le relativisme kelsénien ne nie certes pas l'existence de tout ordre moral, il nie seulement qu'il y en ait un qui puisse être reconnu comme le seul valide. La défense de la démocratie a donc une valeur réelle, mais seulement du point de vue du démocrate, c'est-à-dire de celui qui préfère la démocratie à l'autocratie, car la liberté est la plus haute valeur dans l'ordre moral qui est le sien. Dans la mesure où rien ne peut être plus sensé pour lui que de se battre pour la démocratie et contre l'autocratie, et puisque d'autres peuvent se joindre à sa lutte, il n'a pas la plus petite raison d'accepter l'autocratie comme un fait inévitable. Mais naturellement, cette conclusion a un corollaire. Si le scepticisme politique, adossé à une théorie relative de la valeur, permet de ne pas adhérer à l'autocratie, il ne conduit pas non plus à adhérer à la démocratie, qui ne constitue pas plus un choix inévitable. La voie majoritaire est certes ouverte, mais elle n'est pas la seule. Son adoption éventuelle est abandonnée au choix individuel, ultimement injustifiable, d'un ordre moral contre un autre. Vous voyez que la tragédie de la démocratie ne tient donc pas seulement, si Kelsen a raison, à ce que le démocrate devrait renoncer à toute prétention à connaître le vrai ou le bon. Elle tient plutôt à ce qu'il se trouverait par là incapable de justifier son engagement en faveur du régime démocratique autrement que par une préférence individuelle arbitraire. Tel est le véritable dilemme auquel serait confrontée la défense de la démocratie. Reconnaître l'existence de vérités accessibles en politique, c'est mettre en cause le postulat de la valeur égale des opinions et donc saper l'autorité politique de la majorité. Nier au contraire l'existence de telles vérités, c'est conforter ce principe, mais s'interdire de fonder l'autorité des décisions majoritaires et les dispositifs démocratiques qui y sont liés. Si la démocratie est vraiment contrainte de choisir entre équité et vérité, elle est donc condamnée soit à se renier elle-même, en réservant l'autorité politique à ceux qui savent le mieux, soit à se découvrir arbitraire, en reconnaissant que rien n'est certain, pas même le fait qu'il convienne d'accorder l'autorité au plus grand nombre. Fin de citation. La question qui nous intéresse au premier chef, vous l'aurez compris, est celle de savoir si Kelsen a raison. Si, comme le suggère pour sa part Girard, il est possible d'échapper à ce dilemme qu'il pose, et si, comme je vais essayer de le montrer, la façon même dont il pose ce dilemme de la tragédie démocratique, mais il n'est pas le seul, ne tient pas, pour une très large part, à la représentation faussée qu'il se fait, non seulement de la vérité, mais de ce qu'elle semble à ses yeux impliquer, à savoir un nécessaire absolutisme, dogmatisme ou fanatisme tant philosophique que politique, qui comme tel, ce qui s'il avait raison devrait être le cas, n'aurait donc pas sa place en démocratie, laquelle ne pourrait alors se concevoir, en effet, que dans une perspective, comme celle qu'il appelle de ses voeux, à savoir une perspective relativiste. Kelsen n'est pas le seul à voir d'un mauvais œil l'irruption de la vérité dans la réflexion en politique et sur la démocratie. Quand on lit des auteurs comme John Rawls ou Habermas, ou plus encore Rorty, on voit combien ils souscrivent aisément à la thèse selon laquelle il n'y a pas de vérité politique ou éthique, ou que s'il y en a, ce que n'excluent pas, comme je l'ai dit, Rawls ou Habermas, elles ne peuvent reposer que sur un accord communautaire ou sur un consensus rationnel qui les prive par définition de tout caractère objectif ou absolu. Mais la question est de savoir s'ils ont raison et si, s'agissant de la politique aussi, sans qu'il faille pour cela céder à quelque absolutisme philosophique métaphysico-religieux, nous ne pourrions pas admettre qu'il existe bel et bien des vérités axiologiques et politiques qui ne sont pas problématiques, qui sont parfaitement objectives, parfaitement robustes, au nom desquelles, par exemple, il nous semble évident que nous devons intervenir en cas de génocide, de crise humanitaire grave ou de catastrophe naturelle, et en général pour éviter ce que nous appelons des maux premiers. N'y a-t-il pas, comme Russell par exemple en était convaincu, une forme de la mentalité démocratique très proche de la mentalité scientifique et qui, comme elle, présupposerait l'existence de vérités objectives, pour une bonne part impersonnelles, et qui ne seraient donc pas mues, du moins pas exclusivement, par l'existence d'intérêts et de désirs, fussent-ils communs ou collectifs. Pour le voir, il n'est pas d'autre moyen que d'entrer dans l'examen du premier groupe de questions que j'ai donc évoquées la semaine dernière, celles qui ont trait à ce qui est vraiment en jeu dans le concept même de vérité. Es war aber der Rüsttag in Ostern die sechste Stunde und spricht zu den Seht, das ist euer König. Die stehen aber Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité, démocratie, aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité. Première étape, donc, ce que n'est pas la vérité. Si nous voulons être en mesure de répondre avec justesse au défi que pose le scepticisme contemporain à la vérité, sans nous contenter de lui opposer, un peu rhétoriquement, il faut bien le dire, soit une forme de platonisme, dont nous avons vu qu'Hannah Arendt reste foncièrement prisonnière dans son approche de la question de la vérité en politique, soit une sorte de confiance positiviste aveugle en la science, qui nous permettrait de conforter notre certitude, notre assurance que oui, décidément, la science décrit bel et bien la réalité et nous conduit à des vérités incontestables, soit encore une foi inébranlable dans le vrai avec un grand V, dans le bien avec un grand B, dans le beau avec un grand B, soit encore en prenant à témoin la résistance de notre seul bon sens, qui montre assez que nous faisons décidément la différence entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, eh bien, nous n'avons guère d'autre choix, je le crains, sinon celui de procéder à l'élucidation rigoureuse de ce que recouvre le concept même de vérité, en nous souvenant du reste qu'après tout Pilate n'aimait peut-être pas seulement des doutes sur la vérité, mais qu'il s'interrogeait, peut-être lui-même, moins sur le mode ironique d'un Rorty que sur celui socratique d'une quête de définition sur ce qu'est, sur ce que peut bien être la vérité, entreprise à laquelle, il faut le dire, hormis ceux qui y voient des métaphores ou le sens plus profond du dévoilement ou de l'ouverture à la présence, peu de penseurs contemporains, prompts par ailleurs à dénoncer les idéaux de vérité, semblent désireux de se livrer. Ce qui frappe en effet, et les écrits qui font appel à la vérité dans les textes de philosophie ou de théorie politique n'échappent pas à la règle, c'est que l'on tient le concept de vérité lui-même pour acquis. Ce qui conduit le plus souvent à confondre plusieurs niveaux, et en particulier à mettre sur le même plan trois aspects qu'il conviendrait pourtant impérativement de distinguer dans les discussions. Premièrement, ce qui relève du concept de vérité lui-même, autrement dit de sa nature et de ses propriétés définitionnelles, ce qui, deuxièmement, relève de ce que l'on croit, tient, reconnaît pour vrai, en d'autres termes, de l'attitude ou de la croyance qui est la nôtre à son endroit. Troisièmement, ce qui a trait à la valeur qu'on est ou non prêt à accorder à la vérité. Or, il s'agit là de confusions de taille et qu'il convient donc d'abord, vous voyez, de démêler. Après tout, en procédant à une analyse conceptuelle dont le but sera de rendre nos idées un peu plus claires, il se peut fort bien, pour reprendre ce que nous a appris le grand pragmatiste Charles Peirce, que des problèmes supposés se révèlent ne pas être des problèmes réels, et qu'il y ait donc moins de problèmes à résoudre que nous pouvions le penser, ou encore que les malentendus qui existent entre les adversaires tiennent au fait, pour évoquer encore les mises en garde persiennes, que, je cite, « soit ils attachent aux mots des significations différentes, soit l'un et l'autre ou les deux utilisent un mot sans signification ». Essayons donc d'appliquer cette méthode d'analyse pour déblayer un certain nombre de confusions entourant le concept de vérité. Peut-être cela nous permettra-t-il de mieux comprendre pourquoi on peut et doit aussi bien refuser le diagnostic posé par les opposants à la vérité que la solution qu'ils préconisent, se passer de la vérité et opter sans complexe, notamment en politique, pour le relativisme. Ma fréquentation ancienne et assidue des pragmatistes classiques, et en particulier de Charles Peirce, de William James, de Frank Ramsey ou de Hilary Putnam, m'a depuis longtemps convaincu, comme eux, non seulement, car cela nous le savons depuis les Grecs, de la nécessité de réfléchir de très près au concept de vérité, mais aussi et surtout de commencer pour ce faire par procéder à un examen de sa signification et donc d'en rechercher moins des critères, comme l'évidence pouvait en être un, par exemple, pour Descartes, qu'une définition, et une définition qui soit non pas nominale ou abstraite, mais, pour reprendre le terme de William James dans le pragmatisme ou dans la signification de la vérité, réelle. Le pragmatisme, dit James, je le cite, tourne résolument le dos et une fois pour toutes à l'abstraction, à tout ce qui rend la pensée inadéquate, solution toute verbale, mauvaise raison a priori, système clos et fermé. De tout ce qui est un soi-disant absolu ou une prétendue origine pour se tourner vers la pensée concrète et adéquate, vers les faits. L'action efficace, le grand air, la nature, avec tout le possible qu'elle renferme, voilà ce que signifie le pragmatisme, prenant position contre le dogme, contre les théories artificielles, contre le faux-semblant, d'un caractère téléologique qu'on prétend voir dans la vérité. Fin de citation. Voilà ce qu'il écrit avant d'aborder la question de la vérité dans le pragmatisme. le conflit entre pragmatistes et antipragmatistes porte principalement sur ce qu'il faut tenir pour la signification du mot « vérité » et non sur l'un ou l'autre des faits qui font partie des situations de vérité, dit encore James dans « La signification de la vérité ». Mais avant de respirer l'air du grand large, il faut peut-être commencer quand même par s'assurer de ce qu'on prétend voir, pour parler comme Ramsay, se libérer, comme il le dit, de cette embrouillamini linguistique qui entoure le concept de vérité. Quand on demande quelle est la signification de vrai, il me semble, dit Ramsay, que la réponse est parfaitement, vraiment, parfaitement évidente, que n'importe qui peut voir ce que c'est, et que la difficulté ne se pose que lorsque nous essayons de dire ce que c'est, parce que c'est quelque chose que le langage ordinaire est plutôt mal adapté à exprimer. Après tout, n'est-ce pas une conscience de soi inévitable en philosophie que de s'apercevoir que nous sommes forcés à philosopher parce que nous ne savons pas exactement ce que nous voulons dire, dit-il encore en 1929 dans l'anthologie de ses textes fondamentaux chez Vrin, Logique, philosophie et probabilité, page 330. Il vaudrait mieux une fois pour toutes se dire que la signification n'est pas un obstacle, mais une indication de la vérité. Le négliger risquerait de nous mettre dans la situation absurde de l'enfant de ce dialogue. Dis petit déjeuner, peux pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire ? Peux pas dire petit déjeuner. Peirce lui-même, qui conçoit la maxime pragmatiste comme une méthode de clarification des concepts, se pose la question de savoir s'il est tout bonnement judicieux de s'occuper de la vérité, là où il vaudrait peut-être mieux enquêter directement sur ce qui lui est indissolublement lié, plutôt que de se plonger dans un océan de métaphysique d'où nous ne saurions espérer rapidement émerger. Évitons donc, ajoute-t-il, cette idée de vérité autant que faire se peut, et restons dans le domaine de ces notions quotidiennes et concrètes sur lesquelles il n'y a ni vague ni mystère. Page 131 du volume 1 des œuvres philosophiques de Peirce en français. Dans le même sens vont ces déclarations d'allure, il faut bien le dire, éliminativiste, selon lesquelles il est tautologique de se mettre en quête de la vérité, lors même qu'on est parvenu à une croyance stable qui a mis fin au malaise suscité par le doute. Ou que l'on ne fait que s'embarrasser l'esprit en parlant de cette vérité et de cette fausseté métaphysique dont on ne sait rien, alors que, je cite, « tout ce à quoi on a affaire, ce sont nos doutes et nos croyances, et que si par vérité et fausseté, on entend quelque chose qui n'est pas ainsi définissable, on parle d'entité dont on ne peut rien savoir et qu'il vaut mieux raser. Bref, nos problèmes seraient grandement simplifiés, conclut Peirce, si au lieu de dire que nous voulons connaître la vérité, nous nous contentions de dire que nous voulons parvenir à un état de croyance que le doute ne peut atteindre. Nous verrons dans une deuxième étape tout le profit au demeurant que nous pouvons tirer de ces conseils. Mais en admettant que nos problèmes soient ainsi, et j'y reviendrai, grandement simplifiés, à quel problème de taille sommes-nous tout de même, de fait, et pour commencer, confrontés ? Un premier problème, et non des moindres, qui est à l'origine de graves malentendus, concerne celui de la confusion que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai. J'en ai dit quelques mots la semaine dernière, mais pour bien comprendre l'amplitude des dégâts occasionnés par cette confusion si fréquente, il me faut préciser les choses et naturellement, pour ce faire, revenir ici à Frege et tout d'abord à l'indépendance absolue qu'il juge impératif d'affirmer de ce qui est vrai par rapport à ce que l'on pense, juge ou reconnaît être vrai. C'est en effet d'abord une déclaration d'indépendance qui est caractéristique du vrai. Afin de mettre en lumière ce que notre prédicat « vrai » a de caractéristique, comparons-le, suggère Frege, aux pages 155 et suivantes de la traduction française de ce texte 1897, donc de ses écrits posthumes, donc publié en français en 1994. Comparons donc notre prédicat vrai au prédicat beau. Tout d'abord, nous pouvons trouver beau deux objets, mais trouver l'un plus beau que l'autre. À l'inverse, si deux pensées sont vraies, l'une n'est pas plus vraie que l'autre. Et c'est ici qu'émerge la différence essentielle. Le vrai est indépendant de notre reconnaissance du vrai, alors que le beau n'est tel que pour celui qui l'éprouve comme tel. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Du goût, il n'y a pas à disputer. Dans le domaine du vrai, l'erreur est possible, mais il n'en va pas de même dans le domaine du beau. Du simple fait que je considère une chose comme belle, il découle qu'elle est belle pour moi. Mais le fait que je considère quelque chose comme vrai ne contraint pas cette chose à être vraie. Et si elle n'est pas vraie en soi, elle n'est pas non plus vraie pour moi. Une chose n'est jamais belle en elle-même, mais seulement dans tous les cas pour un être qui l'éprouve comme tel, et ceci doit toujours être implicite dans un jugement esthétique. Si quelqu'un s'avisait de contester que ce qui est vrai indépendamment du fait que nous le reconnaissons comme vrai, il contredirait par son assertion même ce qu'il asserte, de la même façon que le Crétois qui disait que tous les Crétois étaient des menteurs. En effet, poursuit Frege, si une chose n'était vraie que pour celui qui la tient pour vraie, il n'y aurait aucune contradiction entre les opinions des différents individus. Logiquement, celui qui tiendrait cette même opinion n'aurait pas du tout le droit de contredire l'opinion opposée et devrait adopter le principe « non disputandum est ». Il ne pourrait absolument rien asserter au sens habituel du terme, mais s'il le faisait quand même, au moins quant à la forme, ces déclarations n'auraient que la valeur d'une interjection, c'est-à-dire de l'expression d'un état ou d'un processus mental incapable d'entrer en contradiction avec les états ou les processus mentaux d'un autre individu. Et son assertion, selon laquelle une chose n'est vraie que pour nous, et du fait que nous la reconnaissons comme vraie, aurait également la même valeur. Si cette opinion était vraie, il serait impossible à quiconque de prétendre que sa propre opinion doit prévaloir, chez les autres aussi, sur l'opinion opposée. Une opinion qui élèverait une telle prétention serait injustifiée. Mais cela signifierait que chaque opinion, au sens ordinaire du terme, est injustifiée, y compris celle que nous combattons. Il n'y aurait pas de science, pas d'erreur, pas de correction de l'erreur. Il n'y aurait à proprement parler rien de vrai au sens ordinaire du terme. Car toutes ces notions sont si étroitement liées à l'indépendance sur laquelle nous insistons ici, à l'égard du fait d'être reconnu par nous, qu'il est impossible de les en séparer. Si quelqu'un défendait sérieusement et sincèrement l'opinion que nous combattons ici, il ne resterait qu'à supposer, conclut Frege, qu'il associe au mot « vrai » un sens différent. La deuxième chose importante sur laquelle Frege veut attirer notre attention, c'est sur la distinction que nous ne faisons pas, le plus souvent, et que nous devrions pourtant impérativement faire entre ce qui relève de nos représentations et de nos jugements, donc de ce qui est pensé par nous, et ce qui relève en toute rigueur de nos pensées. Les lois de la nature, les lois mathématiques, les faits historiques sont pour lui des exemples de pensées. Et chacune d'entre elles trouve à s'exprimer par une phrase assertive. J'insiste sur ce point parce que même si nous employons parfois le mot vrai comme un prédicat de choses, quand nous parlons d'un vrai jumeau, un faux frère, un vrai faux passeport, ou des mots, symboles ou phrases par lesquels nous véhiculons nos pensées, voire aux représentations mentales elles-mêmes, dans la plupart des cas, n'est-ce pas, le prédicat vrai exprime une propriété de ce que nous disons ou pensons, de nos jugements, de nos croyances ou de nos assertions. Bref, nous attribuons cette propriété au contenu de ce que nous disons ou pensons. Par exemple, si quelqu'un vous dit « il fait beau » et que vous acquiescez en disant « c'est vrai », c'est moins à la phrase énoncée, à des mots, à des sons, ou encore à l'état mental qui est ainsi véhiculé, qu'à ce que dit la phrase que vous acquiescez. Car la même phrase pourrait avoir été énoncée dans d'autres circonstances ou par quelqu'un d'autre et être fausse. La vérité se prédique donc d'abord, voyez-vous, de contenu propositionnel, d'assertion, de jugement, de croyance. Et c'est d'abord ce que veut dire Frege lorsqu'il précise que le prédicat vrai s'applique aux pensées. Page 154. Seules les pensées proprement dites peuvent être ou bien vraies ou bien fausses. Mais alors, à quelles conditions ? Pour être vraies, dit Frege, les pensées, par exemple les lois de la nature, non seulement n'ont pas besoin d'être reconnues pour vraies par nous, c'est ce que nous venons de voir, n'est-ce pas ? Elles n'ont même pas besoin d'être pensées par nous. Une loi de la nature n'est pas inventée, mais découverte par nous. Et de la même façon qu'une île déserte de l'océan glacial était là bien avant d'être vue par les hommes, de même, les lois de la nature, et semblablement les lois mathématiques, ont valu de tout temps, et pas seulement depuis leur découverte. De là, nous tirons que les pensées, si elles sont vraies, le sont non seulement du fait que nous les reconnaissons comme vraies, mais encore indépendamment de notre activité de pensée elle-même. La pensée n'est pas aussi particulièrement propre à ceux qui la pensent que la représentation à ceux qui se la représentent. Elle se tient en face de tous ceux qui la conçoivent, toujours de la même manière et identique à elle-même. S'il en allait autrement, deux individus n'associeraient jamais la même pensée à la même phrase, mais chacun aurait sa propre pensée. Et si, par exemple, l'un posait 2 plus 2 égale 4 comme vrai, et que l'autre niait cela, il n'y aurait pas de contradiction, puisque ce qu'asserte l'un serait différent de ce que l'autre rejette. Une contradiction entre les assertions de différents individus serait tout à fait impossible, car il n'y a contradiction que lorsque c'est précisément la même pensée dont l'un asserte la vérité et l'autre la fausseté. Une controverse au sujet de la vérité de quelque chose serait donc futile. Il manquerait justement un terrain de dispute commun. Chaque pensée serait enfermée dans son monde intérieur et une contradiction entre les pensées de divers individus ressemblerait à une guerre entre les Martiens et nous. Si la pensée, donc, était quelque chose de privé, de psychique, comme la représentation, alors sa vérité ne pourrait consister que dans une relation à un quelque chose qui n'est ni privé, ni psychique. Si donc nous voulions savoir si une pensée est vraie, nous devrions nous demander si cette relation est satisfaite, et donc si la pensée que cette relation est satisfaite est vraie. Et nous serions alors dans la situation d'un individu dans une cage à écureuil. Il fait un pas en avant et vers le bas, mais la marche sur laquelle il pose le pied se dérobe toujours et il est ramené là où il était précédemment. Page 158. Vous le voyez, pour Frege, à la différence des représentations donc, la pensée est quelque chose, dit-il, d'impersonnel. Si nous voyons la phrase « 2 plus 3 égale 5 » écrite sur un mur, nous reconnaissons tout à fait la pensée qui est exprimée et il n'est pas du tout nécessaire, pour la comprendre, de savoir qui l'a écrite là. Comme vous le voyez, et il est capital de le comprendre, pour Frege, en quoi il a, je crois, tout à fait raison, il faut distinguer la pensée de l'acte de penser lui-même, lequel ne peut être vrai. La pensée, je le cite, n'est pas un acte de pensée qui serait relié à l'activité de penser comme le saut effectué est relié à l'action de sauter. Et ma conception trouve ici un écho dans nombre de nos manières de parler. Ne dit-on pas que la même pensée est saisie par celui-ci et par celui-là et que quelqu'un a pensé la même pensée de façon répétée ? Si la pensée ne naissait que de l'activité de penser ou ne consistait que dans cette activité, alors la même pensée pourrait naître, disparaître et renaître, ce qui est absurde. De la même façon que je ne crée pas l'arbre du seul fait que je le regarde et que je ne suscite pas le crayon en m'en saisissant, je n'engendre pas la pensée en pensant. Et encore moins, le cerveau ne la secrète comme le foie la bile. Et au fond, comme le souligne Frege, les métaphores qui soulignent les expressions, qui sous-tendent, pardon, les expressions que nous utilisons pour l'activité de saisir une pensée, d'appréhender, de comprendre, de concevoir, de pénétrer, capere, percipere, comprehendere, indeligere, toutes ces métaphores rendent correctement l'essentiel de la situation. Ce qui est saisi, appréhendé, est déjà là. Et il n'est question que de s'en saisir. De la même manière, ce que l'on scrute ou ce que l'on extrait d'un ensemble, tout cela est déjà là et ne commence pas à exister en vertu de ses activités. Page 161. Et sans doute d'ailleurs, est-ce parce que les pensées vraies sont déjà là, comme le sont paradigmatiquement les pensées mathématiques, qu'elles sont d'emblée démocratiques, parce qu'elles transcendent la capacité de tel ou tel de se les approprier. Vous pourriez être tenté de m'objecter que la vérité dont je viens de parler, et dont ce souci semble-t-il au premier chef Frege, est celle qui a trait aux vérités mathématiques ou scientifiques, celles que Hannah Arendt nomme les vérités de raison par opposition aux vérités de fait, et que Frege, au fond, n'affronte pas réellement le problème de la possible ou impossible place de la vérité en politique, où ce sont des vérités d'histoire ou de fait qui sont concernées. Mais ce serait complètement se méprendre, précisément, sur son point principal, qui est de souligner que si l'on parle de vérité, alors quel que soit le domaine concerné, on parle de quelque chose qui est indépendant de celui qui pense ou qui reconnaît cette vérité. Et il prend soin précisément de montrer que cette distinction s'applique aussi bien aux vérités de type mathématique qu'aux vérités sensibles ou encore aux vérités historiques, à condition de bien voir que la vérité et le sens sont deux questions différentes. Alors que les représentations, au sens psychologique du mot, écrit-il, se fondent sans limite définie et se transforment de façon protéiforme, les pensées restent néanmoins toujours les mêmes. Elles sont par essence intemporelles et non spatiales. Dans le cas de la pensée que 3 plus 4 égale 7, ou dans le cas des lois de la nature, cette assertion n'a guère besoin d'être fondée. S'il devait par exemple se produire que la loi de la gravitation cesse d'être vraie à partir d'un certain instant déterminé. Alors, nous en conclurions qu'elle n'est pas vraie du tout, et nous nous efforcerions d'en trouver une autre qui différerait de la première par une condition qui serait satisfaite pendant une période et non pendant une autre. On parle sans doute de la versatilité des pensées des individus, mais ce n'est pas que les pensées soient tantôt vraies et tantôt fausses, c'est qu'elles sont tantôt tenues pour vraies et tantôt tenues pour fausses. Car ce qui vaut de la vérité des pensées vaut aussi de leur fausseté. Il serait faux de croire que seules les pensées vraies ont une existence indépendante de notre vie mentale et que les fausses, de leur côté, appartiennent, comme les représentations, à notre fort intérieur. Presque tout ce que nous avons dit du prédicat vrai vaut aussi du prédicat faux. Mais vous voyez tout de suite une importante conséquence de cette position. Le mot « vrai » n'est pas un terme, dit Frege, attributif au sens habituel. Quand je rattache le mot « salé » prédicativement au mot « eau de mer », je construis une phrase qui exprime une pensée. Afin d'indiquer plus clairement que la pensée doit seulement être exprimée sans que rien ne soit asserté, je convertis la phrase en subordonnée. Que l'eau de mer est salée. Au lieu de cela, je pourrais aussi la faire prononcer par un acteur sur une scène comme une partie de son texte. On sait en effet qu'un acteur jouant son rôle ne parle qu'en apparence avec une force assertive. La connaissance du sens des mots « est salée » est indispensable à la compréhension de la phrase puisqu'il apporte une contribution essentielle à la pensée. Dans les simples mots « eau de mer », nous n'avons en effet aucune phrase et aucune expression d'une pensée. Il en va tout autrement du mot « vrai ». Quand je rattache prédicativement ce mot au mot « que l'eau de mer est salée », je construis également une phrase qui exprime une pensée. Pour la même raison que précédemment, je convertis aussitôt cette phrase en subordonnée qu'il est vrai que l'eau de mer est salée. Le mot « vrai » n'apporte donc par son sens aucune contribution essentielle à la pensée. Quand j'asserte « il est vrai que l'eau de mer est salée », j'asserte la même chose que quand j'asserte « l'eau de mer est salée ». On reconnaît ainsi que l'assertion ne réside pas dans le mot « vrai », mais dans la forme assertive avec laquelle la phrase est assertée. On pourrait dès lors être d'avis que le mot « vrai » ne possède simplement aucun sens. Mais la phrase dans laquelle le mot « vrai » est prédicat ne posséderait alors non plus aucun sens. On peut seulement dire, dit Frege, que le mot « vrai » a un sens qui n'apporte rien au sens de la phrase entière dont il est le prédicat. Page 298, mais vous voyez que l'un des enseignements aussi de cette analyse frégéenne est celui de la déflation qui se trouve en même temps opérée alors du concept même de vérité. Et ce point n'est pas sans conséquence. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 8 mars 2017 Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin sur ce que n'est pas la vérité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.